Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. De retour dans le studio de votre radio pour passer le plus merveilleux des moments en votre compagnie grâce à cette émission Dansez maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce paradis musical et dansant aussi. Il faut le dire, grâce à mes chroniqueurs préférés, je veux parler de Christophe Pesset en ce qui concerne la danse et l'accordéon, et bien entendu l'univers merveilleux et féerique de notre Arlette à nous. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Sorgia. C'est quand Alors il s'agit d'un merveilleux CD que j'ai reçu qui s'intitule Midi Pyrénées. On a bien reconnu le style, bien entendu, de cette région grâce à André Rock qui m'a envoyé ce CD, un CD enregistré par André Rock et Thierry Rock. On retrouve maintenant la rubrique de Christophe Pesset. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Bonjour, bonjour Hubert et bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour vous faire partager encore quelques moments d'accordéon. Alors cette semaine, eh bien, un petit hommage à Maurice Larchange qui a mis tellement de jeunes accordéonistes en avant qu'on aurait du mal à faire tout le tour. Cette semaine, eh bien, on va parler tout d'abord de Franck Tello qui vous interprète un morceau de virtuosité qui s'appelle justement Virtuose. On l'écoute tout de suite. Une très belle orchestration, très bien jouée, je crois que bien voilà le travail que faisait élaborer Maurice Larchange et également son fils Michael. On va tout de suite écouter un deuxième morceau qui s'appelle Hymne à l'an 2000. Thank you. hymne à l'an 2000, et oui, que le temps passe, composition de Marcel Masson. Alors, eh bien, on va pouvoir continuer toujours une petite jeune, Elodie Maurice, qui va vous jouer une petite samba. Ton Brésil me colle à la peau. Alors, place à la samba, direction le soleil, en compagnie d'Elodie. Sorgia FM. Ce que nous propose Arlette maintenant, c'est de redécouvrir des artistes grâce à plusieurs titres de sa sélection. Et on va cette semaine, bien sûr, retrouver un artiste célèbre. C'est bien ça, Arlette. Hello, bonjour à tous, bonjour Hubert. Bonjour Arlette, il s'agit bien d'un chanteur. Bien sûr Hubert, et c'est un grand monsieur que nous mettons à l'honneur aujourd'hui. Et c'est qui alors? Francis Lemarque, de son vrai nom, Nathan

notre chanson d'amour chantera comme au premier jour. Il s'en est allé, il tendit une muguet, comme un vieil ami fatigué, pour toute une année, pour se faire oublier. En partant, il nous a laissé un peu de son printemps, un peu de ses 20 ans, pour s'aimer longtemps. C'était donc l'univers de Francis Lemarque. Je crois que c'est fini, Arlette, c'est ça ? Eh oui, hélas, Hubert. Nous aimerions bien écouter encore Francis Lemarque. Ah, c'est vrai, oui. Mais les meilleures choses ont une fin. Eh oui. Alors, à la semaine prochaine, nous découvrirons un autre artiste à mettre à l'honneur. Ah bien. Au revoir à tous. Au revoir, Hubert. Au revoir, Arlette. À la semaine prochaine. Dansez maintenant sur Sorgia FM. Hubert Ledan. Elle est toujours un extrait de cet album que j'ai reçu cette semaine, Midi Pyrénées, avec cette belle chanson. Il a cherché l'aventure au sommet des montagnes les plus dures. Il a parcouru le monde, des forêts denses, pleines, fécondes. Il en a vu des paysages sur la route de ses voyages. C'est pour une belle région de France que son cœur s'emballe. Et qu'il y pense, ses étés, comment résister à une telle beauté, des lumières, des couleurs de sa diversité. Pyrénées, c'est une femme qui a danse dans ses souvenirs, comme ces eaux vives qu'on voit bondir. Elle se confond avec sa terre, sa brune si libre, sa brune si fière. Il la voit en Haute-Garonne, parfois secrète qui étonne. Dans l'Aveyron, aux grands espaces, la terre ou la vie. Attends l'audace, attends l'audace. Sa diversité, Midi Pyrénées, c'est une femme qui a il a tant aimé l'Ariège, les Pyrénées, ses cimes blancs de neige, le Gers, ce pays d'harmonie, le Lot sauvage qui éblouit, le Tarn et Garonne bijoux, peuplé d'odeurs de buis si doux. À présent, il se sent des ailes, ô Toulouse, le bonheur, c'est tout près d'elle, c'est tout près d'elle. Yeah. de sa diversité. Dansez en ligne maintenant sur Sorgia FM. On danse encore le Madison avec André Rock cette semaine. Maintenant, sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Un peu de variété française. Cette semaine, on va, on va avoir ce petit côté oriental grâce à cette chanteuse avec une voix exceptionnelle. Elle s'appelle Amel Bent. Du célèbre boléro de Ravel interprété par André Rieu avant de retrouver la suite de la rubrique de Christophe Pesset. Thank you. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Deuxième partie pour cette rubrique accordéon. Eh bien, on va continuer à écouter tous ces petits prodiges de Maurice l'Archange. Juste avant la pause, eh bien, nous voulions écouter un morceau d'Élodie Maurice. On va l'écouter encore une nouvelle fois dans un passodoble qui s'appelle « La Sardane de Barcelone ». Place au passodoble. Quel talent! Eh bien oui, un dernier artiste pour terminer cette compile d'accordéonistes issus de Maurice l'Archange. Eh bien cette fois-ci, nous allons écouter Régine Limousin qui va vous jouer un morceau composé par Maurice l'Archange et Jo Priva. Ce morceau s'appelle tout simplement « Boîte à frissons ». Thank you. Boîte à frissons, c'était une très belle interprétation par Régine Limousin. Bah oui, c'est déjà la fin de cette petite rubrique accordéon, mais vous inquiétez pas, j'ai encore du stock pour la semaine prochaine. En tout cas, eh bien, j'espère que tout comme moi, vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Et puis, on va se quitter avec un petit passe-d'oeuvre qui s'appelle Séville en fête. Merci beaucoup, merci Hubert, merci Arlette, et puis on se revoit très prochainement. Allez, bye bye. FM, Hubert Ledan. Et la chanson française encore à l'honneur avec un chanteur que j'apprécie beaucoup, il s'appelle Calogero. Une ride dans la glace, je me fais vieux, dans le lit j'ai de la place pour deux. Avant que la vie ne passe, je veux garder l'envie. Une ride à la surface, sommes-nous heureux? La lumière s'éteint un peu à peu. Avant d'être dans le noir, je veux garder l'espoir et danser encore. les miettes du festin. Faire avant que tout s'arrête, la fête jusqu'à la fin. Et danser encore. C'est sur cette fusée que l'on va se quitter et puis on va se dire au revoir grâce à l'accordéon d'Éric Colomb que vous entendez derrière moi. On se dit à bientôt les amis, on se dit surtout à la semaine prochaine bien sûr. Rendez-vous même station, même heure, vous avez l'habitude maintenant. Merci pour votre fidélité, merci à Arlette bien entendu, merci à Christophe et à la semaine prochaine. Je vous embrasse, au revoir. Bientôt les amis, Tendance vous remercie d'être venus danser, chanter. Rentrez bien, dormez bien, car la danse c'est pas rien. Et rendez-vous dimanche prochain. À bientôt les amis, Tendance vous remercie. Et c'est fini pour aujourd'hui. C'est toujours plein d'entrain qu'on chantera ce refrain. Et rendez-vous dimanche prochain. J'attends le samedi pour danser la country et le dimanche pour balancer des hanches avec Hubert, avec Eric. On passe un moment sympathique. À bientôt les amis, Tendance vous remercie d'être venus danser, chanter. Rentrez bien, dormez bien, car la danse c'est pas rien. Et rendez-vous dimanche prochain. À bientôt les amis, Tendance vous remercie. Et c'est fini pour aujourd'hui. C'est toujours plein d'entrain qu'on chantera ce refrain. Et rendez-vous dimanche prochain. Sans rien y faire.